J'en ai marre. Ça fait 2 siècles que je dois supporter ce bruit. Je déteste le 21e siècle, avec ses voitures, ses bus, ses tramways. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'embêtes avec tes grands mots. Rien ne te plaît. Le temps, les gens, les bruits, les jeunes, les vieux, les pigeons. Mais oui, c'est facile pour toi de dire ça. C'est moi qui dois toujours te porter. Toi, t'es toujours assis. Tu me portes, mais c'est moi qui te supporte. Tu vois toujours tout au noir. Et tu es incapable de percevoir l'autre côté de la vie. Tiens, regarde-toi. C'est deux filles qui s'approchent et qui me montrent du doigt. Tu oublies toujours que je ne peux pas tourner la tête. Tais-toi. Je veux les entendre. Aussi, Belgrade est une des villes les plus anciennes d'Europe. Elle a été fondée par les Celtes au 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été conquise et détruite plus de 40 fois. Imagine. Ici, on est près de la rue du Prince Mikhail. On dit que c'est la plus belle rue de l'Europe de l'Est. Tiens, regarde, ça, c'est le monument que je voulais te montrer, celui du Prince Mikhail Obrenovitch. Tu veux que je te raconte 2-3 trucs sur lui? Ah oui, chouette, vas-y, vas-y. Alors, le Prince Mikhail était le benjamin de la famille royale. Comme son frère aîné était malade, il est venu au pouvoir très jeune. Il était même mineur, je crois. Pendant la régence, une rébellion est organisée contre lui, et comme il n'avait pas d'expérience, il a dû quitter la Serbie, parce que la dynastie des Karadjordjevic a alors pris tout le pouvoir. Après une vingtaine d'années, il a été réélu prince pour la 2e fois. Il a régné jusqu'à la fin de ses jours. Comme il exerçait un pouvoir absolu, ses adversaires ont organisé un complot contre lui afin de le tuer. Et les témoins racontent aussi que ses dernières paroles en été, c'était donc fait. Et aussi, il les a prononcées en français parce qu'il connaissait cette langue, l'allemand aussi. Ah oui, et puis il est connu aussi pour avoir réussi d'une façon diplomatique à récupérer notre Belgrade après plusieurs siècles d'occupation des Ottomans. Et c'est d'ailleurs sous son règne que Belgrade est devenue la capitale de la Serbie. Oh, je savais pas ça. Et voilà, et c'est pour ça que le peuple serbe lui a dédié ce monument. Ah, tiens, tu vois, il parle que de moi. C'est chouette d'être toujours le centre d'attention. Intéressant. Et ça me rappelle, à Lyon, nous aussi, on a une place comme ça, entre ville. C'est aussi un monument de ce type-là. Je crois qu'il s'agit du monument à l'honneur de, je pense, le roi Soleil. Ah oui, c'est ça. C'est la statue de Louis XIV. Et puis, à ses pieds, il y a 2 statues qui représentent les 2 rivières. Ce sont la Rhône et la Saône. C'est aussi assez symbolique. Ah oui, c'est pour que ça soit partout dans le monde. C'est universel le fait de faire sculpter des statues à l'honneur des grands personnages historiques. Quand même, il y a une chose curieuse avec ce monument. On se donne très souvent rendez-vous ici parce que cet endroit est connu de tout le monde et on se dit à chaque fois rendez-vous sous la queue du cheval. Tu vois, le cheval, personne ne dit jamais Mikhail. Incroyable, chez nous on dit la même chose. C'est pourtant le monument de Louis XIV, mais on ne le dit jamais. C'est toujours le cheval. C'est pas vrai? Quelle coïncidence! Ah oui! C'est chouette d'être au centre d'attention, hein, monsieur le prétentieux? Ta gueule! Tu me tapes sur la nerf! Il me semble que t'as plus d'arguments. Le voilà! L'âme qui se prend pour un cheval! Oh, laisse tomber!